Ah, je le disais, c'est bizarre. Non, je pense. Alors, bah, non, donc effectivement, il y a un problème. T'es une meuf, en fait. Ah, il y a un problème. Vous l'avez autrement? Je vais chercher mon ordi. C'est de pire en pire cette émission. C'est du fait maison. Ah non, mais moi je croyais que c'était un effet au début du titre, tu vois. Est-ce que c'est pas un mytho pour ne pas le passer? Non, mais attends, je crois mytho pour pas le passer. Attendez. On va brancher sur l'ordi quand c'est pour faire découvrir d'autres sons. Parce que là, on a des voix un peu bizarres. C'est version Chipmunks, là. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais plus besoin de la faire, elle est déjà faite. Attendez, je vais chercher dans mon sac là. Alors cherche dans le sac. Ah, Flo, envoyé spécial, il est parti carrément à chercher. Je suis dans les couloirs de Skyrock, je vois des choses que personne ne devrait voir. C'est horrible. Allez, dépêche-toi. Allez. Sors. Attention, la clepsydre. J'arrive. Fais gaffe. La clé. Attention. Méfie-toi, le père Foura est en train de te poursuivre, veut t'enculer. Méfie-toi, le père Foura est un vieux pervers, vous ne le saviez pas. Hein. Le père Foureur. Oui, c'est lui, le père Foureur. Alors attendez, je sors l'ordi. Hein. Ah bah oui. Du coup, c'est vraiment. Voilà, on est à la maison ici, hein, on sort les ordi et tout. Ils font ça pour faire monter le suspense. Oh, t'as plein de fleurs. Nous dit Momo sur SMS. Oui, j'ai des petites fleurs sur mon ordi. Est-ce que quelqu'un a une clé USB? Non, mais sinon, branche l'ordi, tu vois. On peut brancher direct. Ah ouais, vraiment, on fait comme ça en mode radio pirate. Yes. Ouais, à Skyrock, c'est comme ça que ça marche. Ah, mais en même temps, c'est de l'exclu là qu'on a maintenant. Attends, il y a le Belge qui a quatre pattes là, je sais pas ce qui se passe. Ah, Cédric est en train de vivre de ses fantasmes. Voilà, je peux vous sucer, les gars. Attends, s'il te plaît, les folies. Quelle aventure pour passer un son. Avant de retourner à Toulouse, je voulais pas que je vous suce. Mon ordi est prêt là. Vas-y, c'est bon. Vas-y, arrive. Romano. Faut le laisser à Romano, ça. Par contre, c'est risqué ça. Romano, ton plan pour récupérer un ordi gratuit est en train de fonctionner. Il était bien le clash de ce soir, j'ai pas entendu. Ah putain, j'ai fait de la merde. T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. J'ai fait une invitation et un bête de serrage. Ah, je vais niquer la femme du mec, plus après je nique le mec. Et votez Cédric la famille. Hein. Ah merci, je vous l'avais dit. Vas-y. Du Flioli, vote Cédric. Team le Belge. Attends, normalement. Continue de le dire, les votes sont filés, mon pote. Ah, mais votez Cédric la prochaine. Ah, mais t'inquiète, on va mobiliser sur les réseaux. Non, mais là, tu peux mobiliser. Pour le prochain clash. C'est fini les votes, Cédric. Ouais, mais il y a d'autres clashs, tu sais. Bon, c'est bon, le son va démarrer. Attention. Fermez ta gueule, merci. Je fais play moi-même, c'est pas de mytho, c'est mytho, c'est total exclu pour Skyrock. Allez, c'est parti. Allez. Hein, ça veut dire que le premier titre que vous vouliez donner, c'est pas de mytho. C'est ça? Exactement, tu es très fort. Ah, t'as vu. Et ça s'appelle Mytho, c'est le nouveau Big Flo et Oli, et c'est sur Sky. C'est pour les potes d'un pote mythoman, pire qu'une drogue, à chaque fois ça finit trop mal. Je voudrais qu'il me l'avoue, qu'il me le dise, c'est tout, depuis qu'il ment, comme il respire, je m'étouffe. Allô docteur, je me sens mal, j'ai peur, je crois que mon pote est mythomane. Il déconne, je le soupçonne depuis des mois. J'ai surpris en train de répéter ses phrases avant de rentrer chez moi. Il commande une pizza mais dit que c'est lui qui cuisine. Pour faire croire qu'il est en couple, il traîne en ville avec sa cousine. C'est horrible, sans pire, comment faire? Fils unique, il m'a dit, sur la tête de mon frère. Ça devient gênant, je te jure, j'ai peur. Total exclu pour Skyrock, Big Flo et Oli, mytho. J'entends oui quand il dit non. Je connais toutes ses mimiques quand il parle. En live de Miami à la piscine municipale. Putain, ça devient difficile, je perds la raison. Est-ce que c'est bien sa maison? Est-ce qu'il nous a dit son vrai prénom? Je fais des tests, j'encaisse, je deviens parano. Quand il se tait, je sais qu'il en prépare un autre. Le pire, c'est que je vais douter le jour où il va mourir. Je mélange le faux et la vérité dans tous mes souvenirs. Promis, juré craché avec le sourire. Il me fait même plus marcher, il me fait courir. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars. On l'aime même s'il dit n'importe quoi. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Bon, en direct de la radio Libre Total Exclu, Big Flo et Oli, mytho. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Il a que des embrouilles, tu m'étonnes. Vu que tous les jours, il m'y tonne. Quand on lui demande où sortent les infos qu'il nous donne, c'est www.mytho.com. Il est fort comme un bœuf, il fait que de gros stuff. Il sort avec plein de meufs, au moins 29. Aucun mytho n'est trop gros, et quand on lui demande, il a perdu les photos. Il a la classe d'un acteur, quand il joue, il dit qu'il était dans le même club que Zizou. Ah ouais, je le connais bien moi. Non mais attends, pourquoi tu mens? Ça fait 10 ans que t'es remplaçant. Il évitait les conneries toute la journée avec les potes. Le liquer, c'est raté. Vite, faut qu'il arrête, faut qu'on amène voir un marabout. Pathétique, il empire, c'est pathétique. Il pourrait dire que sa mère est morte pour un paquet de chips. Paraît qu'il est champion en toute catégorie. Que c'est le troisième frère de Big Flo et Oli. Et quand j'y pense, le pire c'est quoi? Lui qui m'étonne ou moi qui y crois? On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars. On l'aime même s'il dit n'importe quoi. On a tous un pote mytho. Total exclu pour Skyrock. Si t'as pas de pote mytho, sais que c'est toi, bon j'avoue. Au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. C'est pour les potes d'un pote mythomane. Pire qu'une drogue, à chaque fois ça finit trop mal. Je voudrais qu'il me l'avoue, qu'il me le dise. C'est tout depuis qu'il ment, comme il reste bien. On a tous un pote mytho. Oui. C'était le nouveau Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Ah, ça fait plaisir, franchement. Ah, t'as vu ça un peu. Petit message de la Pufias. Ah. Big Flo, le malin, il met sa voix pour pas qu'on enregistre. Ah, et oui, c'est des techniques. Vous savez, c'est Romano qui m'a tout appris. Hein. Mais t'as bien raison. Et comme ça, les gens qui veulent le choper, ils entendent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est tout neuf, c'est hyper important, vos avis, la famille. Ah, il y a Lolita déjà, ça lui a donné envie de récupérer le cure-dent de.